إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله l'explication du livre القواعد السعدية du grand savant de l'islam عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. On s'est arrêté le dernier cours à la sixième règle. يقول المؤلف رحمة الله عليه القاعدة السادسة الأصل في العبادات الحضر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله. الأصل في العبادة الحضر فلا يشرع منها إلا ما شرع الله ورسوله والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم إلا ما حرم الله ورسوله. Ça c'est la règle qu'on va apprendre aujourd'hui inshallah et qu'on va comprendre à la lumière de ce que nous a cité le Cheikh dans son livre précieux. Ici c'est une grande règle et c'est une règle comme on va le voir qui est en relation avec les ou certaines règles qu'on a déjà vues, qu'on a déjà étudiées, dans les premières règles que le Cheikh a citées dans son livre. Et on verra quel est l'aspect qui relie ces règles entre elles, sur certains points bien entendu. Al-Asl, bien entendu, tout le monde sait ce que c'est Al-Asl. C'est l'origine, la base de quelque chose. الذي ينبني عليه, c'est-à-dire une chose sur laquelle on va construire, sur laquelle on va édifier. هذا هو الأصل. Donc la base et l'origine dans le domaine de l'adoration, on est bien ici في العبادات. Ici c'est un pluriel العبادات qui est le pluriel de العبادة. Donc le domaine de l'adoration est basé sur l'illicite. الحضر, ce terme veut dire al-man'a, al-man'u. Al-hadar, ce terme veut dire al-man'a. C'est pour cela qu'on dit une chose mamnou', on dit une chose mahdour. Mahdour, c'est une chose qui est mamnou', c'est une chose qui est haram, qui n'est pas permise. Ghayru ja'iz. Donc tous ces termes, ils veulent dire la même chose. Le shir ici, donc, il a choisi le terme al-hadar. Al-aslu fil ibadat al-hadar. C'est-à-dire donc, le domaine de l'adoration est basé, donc sa base, est basée sur l'illicite, sur l'interdiction. Al-Havar. فَلَا يُشْرَعُوا مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Donc ici, c'est un takmil, c'est-à-dire c'est la suite de cette règle et son complément. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer ici plus en détail ce qu'il a voulu par cette première phrase. C'est-à-dire qu'on ne peut légiférer, fala yushra, à partir d'elle, uniquement ce qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète ont légiféré. Uniquement ce qu'Allah et son prophète ont légiféré. La personne qui va tout de suite comprendre la règle dès ces premiers termes qui sont employés, il va se rappeler une base qu'on avait citée lorsqu'on avait étudié les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal à travers donc le livre de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala Al-Qawaid Al-Muthla. Et on a vu le même principe au niveau de la règle, exactement le même principe. Car si le Cheikh ici, il nous parle de Al-Ibadat, il rentre également Al-Aqaid, c'est-à-dire les croyances. Tout ce qui est en relation avec les croyances, ça rentre ça rentre dans le même domaine. Et on se rappelle, lorsqu'on voulait parler des noms et des attributs, une des règles qu'on avait citées. Qui c'est qui nous rappelle cette règle, qui nous rappelle le terme qu'on avait employé pour ce qui était des noms et des attributs? Et un terme que l'on peut également ici employer à travers cette règle. Celui qui a la réponse, il lève la main. Le terme qu'on avait employé pour parler de cette règle-là, et qui revient au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jalla, et qui fait partie donc des règles qu'on a vues parmi le Qawaid al-Muthla, et qui est du même principe que cette règle-là. Qui c'est qui s'en rappelle parmi ceux qui ont étudié avec nous? Ou alors ceux qui ont étudié année avec le terme qu'on avait employé, un terme qui est important. On avait insisté dessus, on l'avait expliqué, on l'avait détaillé, on l'avait appelé. Tawqif, naam, c'est ce terme qu'on avait employé, naam, exact. Tawqifi, tawqifi. Qu'est-ce que ça veut dire tawqif? Yani bima'na natawqaf ala al-kitab wa sunna fi bab al-asma wa sifat wa bi sifat 'am fi al-aqa'id kulliha. C'est-à-dire qu'on s'en arrête au livre et à la sunna, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qui est d'attester un nom ou un attribut d'Allah azza wa jalla, ou alors pour ce qui est d'attester une croyance parmi les croyances de l'islam. Et de même ici, pour ce qui est donc d'attester et de pratiquer donc une adoration. Donc on voit, c'est exactement le même principe. Et si la personne, elle se rappelle donc de ce qu'on avait étudié dans les noms et les attributs, ce qui est donc, on va dire, une catégorie de la croyance, et qui s'applique à toute la croyance, alors elle va comprendre également que c'est la même chose pour ce qui est de al-ibadat. Que l'origine dans ce domaine-là, c'est le hadar. C'est-à-dire que je ne peux pas venir avec une adoration, que ce soit dans son origine, et c'est ce qu'il va nous citer le shir, ou alors que ce soit dans sa forme, ou alors que ce soit dans son temps, ou alors que ce soit dans son lieu, etc., si ce n'est avec une preuve du livre de la sunna. C'est-à-dire que je ne peux rien faire uniquement en présence d'une preuve qui me permet donc d'établir ou d'accomplir cette adoration comme elle est venue dans l'islam. Et si je n'ai pas une preuve, je ne peux rien faire. C'est-à-dire je suis dans un état d'interdiction. Je ne peux rien faire de moi-même si je n'ai pas une preuve. Tayyib, c'est ce que veut dire donc de manière générale la règle. Et on va donc la détailler. C'est pour ça que le shir nous a dit فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. C'est-à-dire que rien, on ne peut rien légiférer à partir d'elle, ou alors dans ce domaine, si ce n'est qu'en revenant au livre d'Allah et à la sunnah, et en ayant donc des preuves, en se dotant de preuves pour ce que l'on va donc pratiquer. Ça, c'est une règle qui est très importante, qui est fondamentale. وَذَا مَحَلْ إِجْمَعْ أَهْلِ الْعِلْمِ. C'est-à-dire ici, c'est un consensus des savants pour ce qui est de cette règle, que les savants ont détaillé, qu'ils ont repris les termes exacts de cette règle-là, comme le cheikh nous l'a cité, ou alors qu'ils ont pris d'autres termes différents, à la kulli hal, ce qui apparaît des paroles des savants parmi les salafs et ceux qui sont venus après eux, il en ressort la même règle et ce qu'on veut à partir d'elle. Le cheikh va nous citer, bien entendu, une preuve du Coran. Donc on a vu ici la première partie de la règle. Il va ensuite avoir une deuxième partie. On va y revenir à la deuxième partie. On reste d'abord sur la première partie de la règle. Tayyib. Donc la première partie qui touche al-ibadat, le domaine de l'adoration. Parmi les versets qui nous a cité le shir et qui est la preuve donc de cette première partie de la règle, c'est la suivante. Qui fait surat Ash-Shura, qui est le verset 21. Wallah Azza wa Jalla yaqul Am lahum shuraka u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Am lahum shuraka u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Donc on voit bien ici, on est dans le domaine de shara, de la législation. Parce que le terme employé dans le verset, c'est le verbe shara'u, donc qui ont légiféré. Donc Allah Azza wa Jalla yaqul am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din. Est-ce qu'ils ont donc des associés à Allah Azzawajal qui eux ont fait des lois? Des lois que Allah Azzawajal lui-même n'a pas permises? Donc on voit bien ici, on voit bien qu'Allah Azzawajal ne permet rien en dehors de ce que lui il a légiféré subhanahu wa ta'ala pour ce qui est bien entendu du domaine de l'adoration. Ça c'est le verset du Coran qui est plus que clair. Et on va voir que les savants également, lorsqu'on avait étudié les repères de la Sunna de Cheikh Hafir, rahimahullah, on a vu que ce verset il a employé également, pourquoi? Pour ce qui est de l'innovation. Et na'am, lorsque les savants parlent de l'innovation, ils emploient ce verset. Parce qu'on sait que lorsque la personne fait une innovation, et plus particulièrement dans l'adoration, al-ibadah, alors automatiquement, elle est venue avec une nouvelle loi. C'est comme si elle était venue avec une nouvelle loi qui n'est pas présente dans le livre d'Allah Azzawajal et non dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle s'est placée comme musharri'a. Elle s'est placée donc comme une personne qui légifère. Vu qu'elle n'a aucune preuve de ce qu'elle fait et de ce qu'elle a avancé, de ce qu'elle pratique lorsqu'elle revient au livre et à la sunna. Elle n'a rien, elle ne trouve rien. Donc elle fait quelque chose d'elle-même. C'est ça l'innovation. C'est pour ça qu'en vérité, même les savants, lorsqu'ils parlent de l'innovation, et ça rentre dans le même domaine, eh bien, ils vont nous citer également ce verset. Et c'est pour ça donc que sous cet aspect-là, on va revenir à la règle qu'on avait vue le dernier cours. Lorsqu'on avait parlé de Al-Mutabara, parmi les conditions d'acceptation de l'acte, on avait dit Al-Mutabara, le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on ne peut faire un acte d'adoration si ce n'est qu'en suivant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la manière dont il l'a fait, exactement comme il l'a fait, par rapport à sa forme, par rapport à son origine, etc. Donc, on s'aperçoit bien ici qu'il y a une relation entre les deux règles. Et qu'on peut citer également, dans ce domaine, le domaine donc de l'adoration, on peut citer le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad » Le même hadith qu'on va citer pour ce qui était de la cinquième règle. « Man amila amalan laysa alayhi amruna fawarad » C'est-à-dire la personne qui accomplit un acte et qui ne fait pas partie de notre affaire, ici l'amruddin, c'est-à-dire donc de notre religion, fawarad, bima'na mardoud, c'est-à-dire qu'il est rejeté. Et donc ici, ce qui va rentrer dans al-ibadat, ce sont deux choses. Al-wujub wa l'istihbab. Comme va nous citer également le shir. Al-wujub wa l'istihbab. C'est les deux choses qui vont rentrer sous al-ibadat. C'est pour ça qu'il dit wa bayanu dhalika anna al-ibadata hiya ma umira bihi amrun ijabiyya wa istihbab fa kullu wajibin awjabahu Allah wa rasuluhu aw mustahab fa huwa ibadatun fa huwa ibadatun, c'est-à-dire c'est une adoration. Donc on est bien dans le domaine de l'ijab wa l'istihbab, c'est-à-dire ce qui est du domaine de l'obligation et de ce qui est surérogatoire. Tout ce qui est obligatoire et surérogatoire, ça rentre dans l'ibada. Donc tout ce que la religion nous a ordonné de faire, lorsqu'elle nous l'a ordonné de façon obligatoire ou alors de manière surérogatoire, ça rentre dans l'adoration. C'est à ce moment-là donc qu'on va pouvoir mettre en évidence qu'est-ce que l'ibada ici. L'ibadatun. Bien entendu, pour ce qui est de l'ibada de façon générale, on a déjà vu ce qui était la définition et ce que ça comprenait. On revient pas dessus à la kulihal, c'est déjà passé dans plusieurs cours, ou on a déjà mis en évidence cela dans plusieurs cours. À la kulihal, ici, on est bien pour ce qui est de l'ibadat, qui concerne l'obligation et ce qui concerne tout ce qui est surérogatoire. Et tout ce qui est en dehors, donc, de l'obligation et de ce qui est surérogatoire, alors, ça ne fait pas partie du domaine de l'adoration. Comme al-mubahat. Al-mubahat, à la base, ça ne fait pas partie de l'adoration. Par contre, yanifi asliha, à la base, ça ne fait pas partie de l'adoration. Al-mubahat, ce qui est donc permis de faire, la yatarattab alayhi thawab au iqab, ma huwa jaiz fi'aluhu, hada la yatroul fil ibad. Cela donc ne rentre pas dans l'adoration. Tout ce qui n'a pas comme conséquence une récompense ou alors un châtiment, ce qu'on appelle al-mubahat, comme le fait de manger, le fait de boire, etc. Par contre, on sait que bin niya, donc ici on va revenir fi masalat al-qasd wal maqasid, c'est-à-dire donc l'intention qu'on va avoir, avec l'intention, en employant l'intention ici, en faisant jouer l'intention dans ce qui est le mubahat, ça peut se transformer en adoration. Ça peut se transformer donc en adoration. Une chose déjà qu'on avait vue, une chose qu'on a déjà vue également dans certains cours. Titre d'exemple, une personne qui va visiter ses frères en Allah Azzawajal, ses frères musulmans, il va les visiter. Il se peut qu'il visite mimbab al-ibaha, c'est-à-dire qu'il va les visiter pour passer le temps, ou alors pour se distraire avec eux, ou alors pour avoir de la compagnie lorsqu'il se sent seul. Donc min hadha al-bab, ça peut être mubah, al-mu'anasa, al-muda'aba, etc. Par contre, si maintenant il met dans son intention wa yahtasib dhalik, lorsqu'il va visiter ses frères en Allah Azzawajal, qu'il va se rappeler l'au-delà avec eux, qu'il va se rappeler également la religion, qu'en leur présence il va se protéger de ce qui est du haram, également du fait qu'il veut fortifier la fraternité religieuse que l'on doit avoir avec les frères, donc tout cela avec cette niya qu'il aura, ça se transforme en adoration, c'est-à-dire qu'il a un thawab, qu'il va avoir pour conséquence de cet acte-là une récompense. Donc on voit ici à ce moment que à la base, même si ça fait partie de al-mubahat, ça se transforme donc avec la niya, ça se transforme fi al-ibadat, ça rentre dans le domaine de l'adoration. De même pour ce qui est de l'infaq al-al, lorsque la personne elle pourvoit aux besoins de sa famille, elle dépense pour le bien de sa famille, pour les nourrir, pour les habiller. Ça, à la base, c'est obligatoire dans la religion. C'est obligatoire dans la religion. Taïb, donc elle fait un acte qui est obligatoire. Mais si en plus de ça, avec sa niya, elle le fait comme sadaqa, ou yahtasib. C'est-à-dire, elle prend en compte cela lorsqu'il le fait. Il le fait donc comme sadaqa, comme cela est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, dans le Bukhari, l'imam muslim, fi kitab al-nafaqat, comme on l'avait déjà vu également ce hadith. Alors à ce moment-là, ça vient, il va avoir une double récompense, non seulement la récompense de ce qu'il accomplit, ce qui est obligatoire dans son droit par rapport à sa famille, mais également lorsqu'il yahtasib annahu sadaqa, c'est-à-dire donc qu'il prend en compte que cela est une sadaqa qu'il donne. Le shir nous dit donc qu'il est revenu également à l'innovation, car ça rentre bien dans ce domaine. Lorsque la personne maintenant, elle a assimilé cette règle-là, et elle l'applique dans sa vie tous les jours, alors elle va s'éloigner de ce qu'on appelle l'innovation. Et ça, c'est le but, parce qu'on sait que lorsque les savants, ils nous citent des règles, c'est que derrière ces règles, il y a bien entendu des buts dans la religion. C'est des choses qui sont avant tout pratiques. On est bien dans ce qui est du pratique. C'est théorique, mais c'est pratique pour nous lorsqu'on les utilise, ces règles, à bon escient et avec une bonne compréhension. La personne qui utilise cette règle qu'on est en train de citer, automatiquement, elle va s'écarter de ce qui est de l'innovation. Si elle a vraiment assimilé cette règle, elle la connaît, alors elle va s'écarter de cela. C'est pour ça qu'il nous dit le shir. Et entre parenthèses, une parenthèse que je fais, une fois je me souviens, c'était dans la ville de Sète. J'avais donné un cours, ça remonte à pas mal de temps, j'avais donné un cours dans une mosquée, et je me souviens que dans le cours j'avais cité cette règle qui était importante. Et l'imam qui faisait partie d'un groupe, qui faisait partie des gens de l'innovation, bien entendu, il y avait beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, à la minhaj al-Nabawi, à la minhaj al-Salafi, qui étaient présents dans la mosquée, qui avaient permis que je puisse faire le cours. Et donc, La personne, lorsque j'avais cité la règle, ensuite, lui, il avait rétorqué que cette règle-là, d'où elle sortait. Il demandait d'où elle sortait, cette règle-là. Et que les savants, ils l'avaient pas cité. Regardez donc, dans un premier temps, le djahl, l'ignorance. Alors qu'on a dit, c'est ijma' al-ulama. C'est un consensus des savants sur cette règle-là. Qu'ils l'aient cité comme telle, de la même manière que le shirk, ou alors qu'ils aient employé d'autres termes, à la kulli hal, dans leur livre, tous les savants, que ce soit fil usul ou autre, cette règle, ils l'ont citée, ou alors ils l'ont appliquée. Et donc, lui me disait, d'où elle sort cette règle-là? Comme si cette règle-là, elle était inventée, ou alors c'est une règle qui n'était pas présente dans l'islam, ou alors qui, où il y avait peut-être un irtilaf, c'est-à-dire une divergence entre les savants. Cette personne-là, c'est elle qui faisait en réalité des innovations dans l'adoration. Et donc à ce moment-là, on voit bien que cette personne, jahilan bihadhihi al-qa'ida, waqa'a fil bid'ah, wallahu al-musta'an. Comme nous dit le shaykh, wa'alam anna al-bid'ah min al-ibadat. C'est-à-dire que l'innovation, elle rentre bien dans le domaine de l'adoration, comme il nous dit. Tayyib, imma an yushra' ibadah, إما أن يشرع أو إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا. C'est-à-dire donc que ce soit une innovation qui touche le genre même, c'est-à-dire une innovation qui n'était même pas présente du temps du prophète Arfwan. Je veux dire le genre ou l'origine d'une innovation ou d'une adoration qui n'était pas présente du temps du prophète, de son envoyé, de son prophète. Taïb, donc une adoration même, qui a inventé, qui était même pas présente à la base. C'est pour ça, lorsqu'on dit jins, c'est le jar. Donc un jar nouveau. Une adoration nouvelle. Et qui rentre, bien entendu, dans l'innovation. Lorsqu'elle n'est pas présente dans le Coran et la Sunna. Aou, shara'a Allah wa rasulu ala sifatin. Aou fi zamanin. Aou makanin makhsousin. Thumma ghayyara al murayyiru ila ghayri tilka sifa. Kaman, أوجب صلاة أو صوما أو غيرها من العبادة بغير إجاب من الله ورسوله أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو بمزدلفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكانا من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية والله تعالى والحاكم لعباده على لسان رسوله فلا حكم إلا حكمه. Alors, ici donc, de même pour ce qui est du genre même de cette adoration qui va être inventée, qui sera donc une innovation, de même pour ce qui est de sifa, c'est-à-dire la forme de l'adoration, la façon dont elle va être faite, comme par exemple la prière, ou alors zaman, c'est-à-dire le temps, ou alors al-makan, c'est-à-dire également le lieu. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette adoration sous une forme bien précise. Il l'a fait dans un temps bien précis. Ou alors, il l'a fait dans un lieu bien précis. Et il arrive donc une personne qui va changer cela et qui va le faire d'une autre forme. Donc on voit ici que, à la base, elle est présente, l'adoration. Donc on n'est plus ici, il n'y a plus donc l'invention d'une nouvelle adoration. Qui n'était même pas présente à la base. Mais elle est présente, mais ici il va y avoir donc un rajout qui va être fait, si on peut dire ainsi, et qui va donc transformer la forme de l'adoration, ou alors zaman, c'est-à-dire le temps de l'adoration, ou alors le lieu de l'adoration. Et c'est pour ça que le shir nous dit, titre d'exemple, un innovateur qui viendrait accomplir al-wukuf bi'arafa, donc durant le hajj, ou muzdalifa, ou ramy al-jimar, qui viendra le faire dans un autre temps, que le temps qui est légiféré, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Alors à ce moment-là, il y aurait bien une bid'a. L'adoration, elle est présente à la base, comme al-wukuf bi'arafa, muzdalifa, etc. Mais, ici, le temps, il est précis. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré dans un temps bien précis. Et donc une personne viendrait, un innovateur viendrait et proposerait de faire cette adoration dans un autre temps. Alors on rentre dans l'innovation ici. On rentre bel et bien dans l'innovation. Ayadun billah. Une question également qui va se poser ici, qu'on va rajouter comme complément. Lorsqu'on va parler de la sunna, et ce qui est en relation avec l'adoration, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam shara'a, ce qu'il a légiféré, on va voir que certaines choses qui font partie de ce qui va être naturel chez l'homme, on va voir que certains sahaba l'ont fait iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à titre d'exemple, on sait qu'Ibn Omar, un jour alors qu'il voyageait, il alla prier dans un endroit bien précis. Et lorsqu'on lui demanda, il répliqua qu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier dans cet endroit-là. De même, alors qu'il était en voyage, Ibn Omar un jour urina dans un endroit bien précis. Et lorsqu'on lui demanda, il cita donc qu'il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner à cet endroit, alors il fit de même. Ici donc la question va se poser, est-ce que cela va rentrer fil ibadat wa fi mahal al-iqtida? Est-ce que cela va rentrer dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que cela va rentrer donc dans l'adoration? Ça c'était l'acte d'Ibn Omar. Mais il faut savoir que Jumhur al-Sahaba, la plupart des Sahaba ne pratiquaient pas cela et ne voyaient pas cela comme étant al-iqtida, comme étant ou comme rentrant dans ce qui est du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc de l'adoration. Et c'est pour ça que beaucoup de gens de science nous ont rappelé que dans ce domaine-là, dans cette question-là bien précise, ils disent إِذَا ظَهَرَ فِيهِ وَجْهُ الْقُرْبَ كَانَ مَحَلًا لِلِقْتِضَى. C'est-à-dire, s'il apparaît une forme de rapprochement, al-qurba bien entendu, qurbatun ila Allah azza wa jal, bifi'al ma fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors à ce moment-là, كَانَ مَحَلًا لِلِقْتِضَى. C'est-à-dire donc, s'il apparaît une forme de rapprochement, c'est-à-dire qu'on va considérer cela comme une adoration, et qu'il y a une forme de cela, alors ça rentre et on place dans cet acte dans le domaine du suivi. On place cet acte-là dans le domaine du suivi. Et sinon, alors on ne le place pas dans le domaine du suivi. S'il n'y a pas en fait ici une forme de rapprochement dans cet acte-là, alors on ne le fait pas entrer dans le suivi. Et donc pour mettre en évidence que beaucoup de sahaba, jumhur, que la plupart des sahaba n'étaient pas en accord avec ce que faisait Ibn Omar sur ce point-là, c'est qu'un jour son père lui-même, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, alors qu'il était en voyage, il tafata, il a regardé sur le côté, il a vu donc des gens qui priaient à un endroit, sous un arbre. Et lorsqu'il se renseigna à propos de cette pratique, alors il sut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié à cet endroit-là, et que eux, ils avaient fait donc la même chose. Fa'ankara. Omar, il a blâmé cet acte-là. Il a dit une parole dont le sens est-ce qu'ils vont prendre donc, à ce moment-là ici, athar al-Nabi, c'est-à-dire la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme masjid, c'est-à-dire comme lieu de prière. Et on sait même que par la suite, Omar, il a ordonné de couper cet arbre-là. Pourquoi il a fait ça? Tout simplement ici, saddan lidhari'a. Saddan lidhari'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu auprès de cet arbre, il a prié et ensuite il s'est reposé auprès de cet arbre-là. Et c'est là qu'on va comprendre réellement, est-ce qu'il y a donc, sous cette forme, ou la façon dont elle a été faite, cette adoration, est-ce qu'il y a une forme donc de rapprochement? Wajjul qurba ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a pris cet arbre-là, car c'est cet arbre-là, et pas un autre? Ou alors, est-ce qu'il y aurait eu d'autres arbres? Il aurait pris donc cet arbre-là, ou alors il aurait pris donc un autre arbre? Est-ce qu'il y avait donc al-qasd? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il n'y a pas eu al-qasd, c'est-à-dire qu'il n'a pas prié, car c'était cet arbre-là, ou il fallait qu'il prie à cet arbre-là. Il a prié tout simplement parce qu'il a trouvé un endroit où il pouvait se reposer, où il pouvait prier, donc il a prié à cet endroit-là. Et donc, les gens, eux, une fois qu'ils sont venus, ils ont pris à cet endroit, eux, ils ont eu un qasd, c'est-à-dire ils ont qasd al-makan, c'est-à-dire ils ont eu l'intention de prier à cet endroit-là, précisément à cet endroit-là. Et c'est là qu'il va y avoir donc un irtilef, c'est-à-dire qu'il va y avoir une divergence entre la façon dont le prophète sallam a fait cet acte-là et dont la façon dont eux ont fait cet acte-là. Et ça va être quoi la différence entre les deux? Ça va être donc al-qasd, que le prophète sallam, il n'a pas pris avec une intention précise cet endroit-là, mais eux ils l'ont pris comme intention précise. Donc ici, il va bien avoir ici un khilaf ou irtilaf, et ça ne peut rentrer donc fil ittiba'. Et ça peut même être dangereux. Pourquoi? Parce que Omar, lorsqu'il a vu cela, et on sait donc que ça peut amener dans un premier temps l'innovation, c'est-à-dire qu'ensuite les gens, ils commencent à voyager et tous à prier à cet endroit-là, à cet arbre-là, et on sait qu'une fois que la science elle se perd et que le jahil il apparaît, il se peut même qu'ils prennent cet endroit-là comme un endroit où ils vont commettre du shirk, etc. Donc c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, il a sadda al-dhari'a, il a obstrué donc tout chemin à ce qui pourrait amener à l'innovation, ou encore pire, au polythéisme. Taïb. Donc à ce moment-là, on voit donc, pour ce qui est de cela, qu'il y a des choses que le prophète Sam il a fait et qui sont naturelles. Et que ce n'est pas donc ici le domaine du suivi. Et que donc on n'a pas à suivre ici avec une intention donc d'irtiva, avec une intention donc de d'avoir une récompense par rapport au suivi du prophète Sosem dans ses actes qui sont naturels et qui ne rentrent pas donc dans ce qui va être de l'adoration. Donc ça c'est un point qui est important et qui a cité. Bien entendu après c'est du cas au cas, c'est-à-dire ce qui touche au prophète Sosem, après c'est les savants qui mettent en évidence pour ce qui est de ses actes, etc. Et qui eux mettent en évidence, est-ce qu'il y a ici wajh al-qurba ou amla, est-ce qu'il y a vraiment donc une forme de rapprochement ou non. Également à titre de complément, pour ce qui est de l'ibada, ou à ce qu'on appelle l'umur al-ta'abudiyya, donc tout ce qui rentre dans l'adoration, il faut savoir que c'est un domaine où la raison ne rentre pas. Et lorsqu'on dit la raison, c'est le fait de avoir la connaissance, de savoir le pourquoi de cette adoration. Pourquoi cette adoration, elle a été faite ainsi? Ou pourquoi elle a été légiférée de telle manière? Ou pourquoi elle a été légiférée à un tel moment? Ici donc, ce sont des choses qu'on n'a pas à faire rentrer la raison dedans. Taban, avec détail. Même si on a la connaissance des buts de la plupart des adorations, comme ce qui est de la prière, etc. Mais lorsqu'on rentre dans ce qui est de tafasil, alors ici, non. À titre d'exemple, si on demande maintenant pourquoi on prie la prière du dhuhr, pourquoi on la prie de 4? Pourquoi on la prie pas de 2? Pourquoi on la prie pas de 5? Pourquoi on la prie pas de 6? Pourquoi 4? Et pourquoi on la prie au moment où zalat shams, au moment donc où est l'inclinaison du soleil? Et pourquoi on l'a pris en récitant à voix basse et pas à voix haute, etc. Donc on voit que c'est des choses, on n'a pas à y faire entrer notre raison, c'est-à-dire à savoir pourquoi cette adoration elle est venue comme cela. Et bien entendu ici ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hikmah dans cette adoration, ou la façon dont elle est venue cette adoration. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hikmah. Mais il se peut que cette hikmah, on la connaisse, il se peut qu'on ne la connaisse pas. C'est pour ça que il y a des sagesses que l'on connaît par rapport aux adorations, mais il y a des sagesses que l'on ne connaît pas. Mais ce que l'on sait, et ce que le musulman a la certitude, Allah azza wa jalla wa hakim, ou al-hakim, Allah azza wa jalla, c'est lui le sage. Et qu'Allah azza wa jalla, alladhi yashra'u, ma yashra'u illa li hikmatin. La ya'mur illa bi hikma, wa la yanha illa bi hikma. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla, tout ce qu'il ordonne à son serviteur, tout ce qu'il a interdit à son serviteur, c'est uniquement par sagesse. Automatiquement par sagesse. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse dans cela. Mais peut-être que l'homme, il la connaît, et peut-être qu'il ne la connaît pas. Donc on voit ici que la raison, ça ne rentre pas dans le domaine de l'adoration, dans ce sens-là. Bien entendu, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas à savoir le pourquoi de chaque adoration, et qu'on n'est pas obligé de connaître tout ce qui est des sagesses de cette adoration. Si elles nous apparaissent, alhamdulillah. Si elles nous apparaissent pas, ce qui nous est commandé, c'est de la faire et comme elle est venue. De l'appliquer comme elle est venue, de la part d'Allah et de son prophète. Ensuite, maintenant, la deuxième partie de la règle. On n'a vu qu'une partie de la règle, mais il y a une deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est la suivante. Où le shir nous a dit, rahimahullah, wal aslu fil adati al-ibaha fala yuharram illa ma harrama Allah wa rasuluhu. Ici, ça va être le contraire. On est dans le domaine de al-adat. Al-adat, c'est tout ce qui rentre dans les habitudes. Ce que l'homme, il fait naturellement. Ce qu'il fait dans sa vie de tous les jours. Dans son journalier. Tout ce qu'on appelle, tout ce qui rentre dans al-adat. C'est-à-dire tout ce qui sort du domaine de al-ibadat. Tout ce qui sort donc du domaine de l'adoration. Le fait que la personne mange, le fait qu'elle boit, etc. Toutes ces choses-là, le fait qu'elle se déplace, etc. Toutes ces choses-là, ça fait partie de al-adat. Également, il rentre dedans le commerce, il rentre dedans l'uqud, les contrats, il rentre dedans également al-shurut, les conditions, etc. Donc al-asl ici, ça va être le licite, contrairement à l'ibadat ou à l'ibaha. Al-ibaha, al-ibaha tout qui veut dire donc le licite. Ma wa halal, ce qui est donc autorisé, permis. Donc à l'origine, tout ce qui est en dehors de l'adoration et qui rentre fil al-adat, alors on est dans le licite. Fala yuharram, c'est-à-dire qu'on ne peut à ce moment-là, à partir de cette base-là, on ne peut rendre une chose interdite, sauf si Allah Azzawajal, son prophète, l'ont interdit. Si par exemple, la personne mange une sorte de nourriture, une sorte de plat qui contient des aliments bien précis, cette personne-là, tant que il n'y a pas d'interdiction qui vient rendre illicite la consommation de ce plat, de cette nourriture, tant qu'il n'y a rien du livre de la Sunna, alors il mange. Car ici, on est dans le domaine du licite. L'origine ici, c'est licite. Donc elle mange sans problème. Et celui qui va venir lui interdire, il va lui dire non, ça c'est haram. À ce moment-là, donc, il va falloir qu'il apporte une preuve du Coran et de la Sunna. Parce que, on va lui répondre à cette personne, la base, c'est ici le licite. Donc toi, tu viens me l'interdire, il me faut que tu m'apportes donc une preuve. Ça, c'est ce qu'implique cette deuxième règle. Donc on voit qu'elle touche un domaine qui est différent de l'adoration. Et donc automatiquement, son statut à cette règle-là va être également différent. Donc on passe de l'illicite à l'illicite, à l'autorisation. De l'interdiction, on passe de l'interdiction à l'autorisation. Les preuves que le shir va ramener du Coran, parmi les versets du Coran, il nous cite donc ce verset qui est le verset fi surat al-Baqara, qui est le verset 29. Wallah azza wa jalla yaqul huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ça c'est la preuve qu'Allah azza wa jalla, tout ce qu'il a créé sur la terre, et donc on est bien dans le domaine de al-adat, tout ce qui rentre dans les habitudes, les choses naturelles que l'homme il a besoin pour vivre, toutes ces choses-là, alors Allah Azza wa Jal les a créées pour nous. Et donc à ce moment-là, ça implique qu'elles sont licites. Et également, une autre preuve qu'il va nous rapporter le shir, et qui est fait surat al-A'raf, qui est le verset 32, où Allah Azza wa Jal يقول قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِي وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ dit, qui interdit la parole d'Allah qui l'a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِي وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Donc ici, comme il nous dit le shir, فَأَنْكَرَ تَعَلَى عَلَى مَنْ حَرَّمَ مَا خَلَقَ اللَّهُ لِعِبَادِي مِنَ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَتَوَابِعِهَا. Donc ici, l'aspect argumentatif de ce verset-là, il est plus que clair. C'est qu'Allah Azzawajal yunkir, c'est-à-dire qu'il blâme ceux qui ont interdit ce qui rentrait donc dans al-adat, dans ce qui était des choses courantes de la vie, des choses naturelles, ce qu'Allah Azzawajal il a créé pour nous, comme zina, comme parure, et qu'il a créé donc pour ses esclaves, et tout ce qui rentre dans al-tayyibat, des bonnes choses, parmi la pourvoyance qu'il nous a donnée, subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui ont fait ça, qui l'ont interdit, alors Allah Azza wa Jalla yarud alayhim, il réfute cela. Il dit qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al qiyamah. Et donc ils les auront purs uniquement pour eux le jour de la résurrection. Donc ça, ce verset est clair également pour prouver la deuxième partie de la règle que le shir il nous a citée. Et donc il nous dit ça rentre fi al ma'akil, ce qui est donc tout ce qui est de la nourriture, de la boisson, également le malabis, des habits et tout ce qui suit cela. Il nous a cité le shir l'exemple parmi les associateurs qui avaient interdit al-mushrikoun, qui avaient interdit donc certaines nourritures ou alors certains bestiaux qu'Allah Azzawajal avait rendu autorisé pour ses serviteurs. Alors qu'Allah Azzawajal, on sait qu'il a tout expliqué dans son Coran. Tout ce qui est muharram, Allah Azzawajal l'a cité dans son Coran ou la sunna du prophète Sam. C'est pour ça qu'il dit وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Comme cela est dans le verset fi surat al-an'am, qui est le verset 119. Alors qu'il vous a détaillé ce qui vous a interdit. Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. C'est-à-dire tout ce qui est interdit, c'est venu en détail dans le Coran et la sunna. Donc après cela, celui qui vient interdire des choses en plus, alors cette personne-là, c'est un innovateur. Fawa muqtadir également. C'est-à-dire qu'ici, il devient un innovateur, car il a interdit ce qu'Allah Azzawajal, il a autorisé. Et dans ce sens, ça va rejoindre la première règle qu'on avait vue, lorsque le shir, il dit, walam yuharrimu Allahu alayna illa kulla dar khabith. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il a interdit tout ce qui rentre dans ce qui est pour nous un préjudice. Tout ce qui est du domaine du préjudice. Allah Azzawajal, il nous l'a interdit. Que ce soit al-madar, al-qalbiya ou al-badaniya, que ce soit pour le cœur, pour notre âme, ou alors que ce soit pour notre cœur, que ce soit dans notre religion, ou alors que ce soit dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est une des grandes ni'mah d'Allah Azzawajal. Comme, donc, il nous a autorisé tout ce qui était bénéfique pour nous. Comme on l'avait vu dans la première règle. Donc on voit que cela rentre bien dans ce domaine. Et lorsqu'on a dit mubtadir pour celui qui va interdire cette chose, comme le shir nous a cité, wa kullu man harrama shay'an lam yuharrimu shari' min al-'adati fa mubtadir. C'est-à-dire toute personne qui va interdire ce que le législateur n'a pas interdit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui rentre dans al-'adat, alors fa huwa mubtadir. Il est également lui un innovateur. Donc un innovateur, c'est pas uniquement ce qui est dans le domaine de ou celui qui fait un acte par rapport à l'innovation. Ça peut être également une personne qui va interdire ce qu'Allah Azzawajal il a rendu permise dans les choses de al-adat, tout ce qui est pas ou tout ce qui rentre pas dans l'adoration. Un point également qu'on va citer ici, lorsqu'on a dit que le commerce, al-uqud, etc., al-shurut, ça rentre dans ce qui est permis à la base, ça ne veut pas dire que la personne, lorsqu'elle commence à faire du commerce, elle ne s'instruit pas sur sa religion. Et qu'elle se dit, la base ici, c'est que tout est licite. C'est vrai qu'Allah Azza wa Jalla dit « Wa halallahu al-bay' wa harrama al-riba » mais il a interdit le riba. Et le riba, ça rentre bien également dans des formes de commerce, mais qui sont ici interdits, qui sont interdits par Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire donc, que la personne, elle doit prendre connaissance des règles de base lorsqu'elle fait par exemple du commerce dans ce qui est interdit, pour pas qu'elle tombe dans l'interdiction. Et donc, c'est pour ça que Omar, il disait, ne s'approche pas de notre commerce ceux qui n'ont point de science de notre législation, ou alors des règles du commerce en islam. Et c'est vrai que la personne donc, lorsqu'elle commence à faire du commerce, ou alors elle veut poser des conditions, etc., il faut qu'elle ait un minimum de connaissances, ou alors qu'elle revienne aux gens de science, pour savoir donc si cela est interdit ou pas. Mais Ce n'est pas en comprenant cette règle qu'elle se dit, donc tout est permis à la base, donc je ne vais pas me faire de soucis, je peux commencer à faire ces choses-là, même sans m'instruire, vu que si je fais une chose et c'est interdit, je n'en avais pas connaissance, et qu'à la base c'est illicite. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on comprend donc cette base. Bien au contraire. Il faut que la personne, elle s'instruit. Mais c'est vrai que dans certains cas, par exemple une personne qui vivrait loin dans un pays non musulman, qui vivrait loin, qui ne pourra avoir de contact dans une, par exemple, une époque ou autre, qui ne pourra avoir contact avec des gens de science, ou alors quelqu'un qui va l'instruire, etc., et qui serait rentré dans l'islam, qui serait musulman, et qui lui, au moment où il va manger certaines nourritures, il ne peut prendre connaissance à ce moment-là. Donc lui, naam, à la base, on va lui dire que c'est licite. Et que si ensuite, il a su qu'une chose était haram, bien entendu, il n'est pas puni de fait de son ignorance, mais également en fonction de cette règle-là. Taïeb, je voulais commencer l'autre règle. À la koulihal, on n'aura pas le temps. Ça fait bientôt une heure de cours. Je pense que ça va être la prière pour beaucoup de certains, des frères. À la koulihal, naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.